Web Musique, vous êtes en compagnie de Simon Roy. J'étais absent la semaine passée. Vous m'avez manqué énormément. Ça fait du bien d'être de retour. Donc, bien reposé cette semaine. Encore une fois, plein de bonne musique gratuite au menu ce soir. Donc, on va débuter avec deux artistes qui se retrouvent sur une compilation qui s'appelle Octopus 3. C'est une compilation qui a été faite par le netlabel français Fresh Pulp Records. Donc, on va entendre, pour débuter, Elcor. C'est un artiste qui vient de Bruxelles, en Belgique. Je vous fais entendre sa pièce Vasco Geni, Senom. Puis ensuite de ça, c'est un artiste croate du nom de Bilo Bangkok. Je vous fais entendre sa pièce Distress Call. Donc, si vous voulez voir la playlist de l'émission, rendez-vous sur le site. Puis, c'est ça, on débute avec Elcor. Thank you. C'était l'artiste croate Below Bangkok avec sa pièce Distress Call. Avant ça, c'était Elcor, un artiste qui vient de la ville de Bruxelles en Belgique. On a entendu sa pièce Vasco Geni Senom, donc deux pièces qui se retrouvent sur la compilation Octopus 3, une compilation sur le netlabel Fresh Pulp Records, un netlabel qui vient de la ville de Orléans en France. On poursuit avec un artiste qui vient de Moscou cette fois-ci, un artiste âgé de 21 ans, qui s'appelle Fenging. Je vous fais passer sa pièce Bombing in 5 Minutes. C'est sur le netlabel Dusted Wax Kingdom. We'll be right back. my fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in 5 minutes. 5 minutes. We begin bombing in 5 minutes. Signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in 5 minutes. 5 minutes. We begin bombing in 5 minutes. C'était Ferry à Web Music, donc un artiste qui vient de Moscou. Vous avez entendu sa pièce Bombing in 5 Minutes. C'était sur le net label Dusted Wax Kingdom. On va poursuivre avec deux pièces qui sont sur une compilation par le net label ukrainien Sky Society. J'ai pas vraiment d'informations à propos de ces deux artistes-là. Je vais faire un petit peu plus de recherches, puis je posterai ça sur le site de l'émission. Mais pour l'instant, c'est ça. J'ai seulement leur nom. Donc, le premier artiste s'appelle Soxy. J'essaie même pas de vous prononcer le titre de la pièce. C'est impossible. Ça doit être en croate ou en indien, ou j'en ai absolument aucune idée. Puis ensuite de ça, c'est Cheesy versus K.O. Je vous fais entendre leur pièce Monica. Donc, ces deux pièces-là se retrouvent sur la compilation Our Vision, comme je vous disais, sur le net label Sky Society. Donc, on écoute tout de suite Soxy. Je vous rappelle, vous êtes à l'antenne de CKRL. Ladies and gentlemen! Thank you. C'était Cheesy versus KO, la pièce Monica. Avant ça, c'était Soxy avec un nom de pièce absolument imprononçable. Donc, ces deux pièces-là se retrouvent sur l'excellente compilation Our Vision. C'est une compilation qui est sur le netlabel Sky Society, un netlabel qui vient de l'Ukraine. Je vous invite à télécharger cette compilation-là. C'est complètement pété, ça vaut vraiment la peine. Puis aller faire un tour aussi sur leur site, même si c'est écrit en ukrainien, bien, ils ont des vidéos, ils ont toutes sortes de trucs vraiment intéressants. Donc, c'est ça, aller faire un petit tour du côté de Sky Society. Pour poursuivre Web Music, je vous présente une pièce qui est sur le netlabel Public Space Lab. C'est un excellent netlabel qui sont vraiment impliqués dans la communauté Net Audio. Il se spécialise surtout dans la musique expérimentale, mais ça s'écoute très bien. Donc ça vient d'une compilation qu'ils ont faite qui s'appelle Number Stations. Les Number Stations, c'est des stations qui diffusent. C'est assez bizarre si vous réussissez à tomber là-dessus. Donc, c'est sur les ondes courtes, vous pouvez entendre. C'est comme des successions de chiffres. Puis, c'est ça. Ça serait supposément des stations qui émettent, c'est ça, des chiffres, des genres de codes. En tout cas, ça serait relié à l'espionnage ou je sais pas trop. Mais c'est assez spécial d'entendre ça. Puis il y en a un peu partout sur la planète de ces genres de stations-là. Donc, le Netlabel Public Spaces, le Lab, ont décidé de faire une compilation à partir d'échantillonnages de ces radios-là. Donc, ça donne de quoi de vraiment intéressant. J'ai toujours adoré le genre de son que ça donnait, ces stations-là. Donc, l'étiquette a décidé de faire une compilation à propos de ça. Donc, on va entendre Sam Square Wave, on va entendre sa pièce Taps a Lullaby. Vous allez voir, c'est vraiment bon. Thank you. C'était Sam Squarewave, la pièce Taps a Lullaby. Donc, c'était sur la compilation Number Stations sur le netlabel Public Spaces Lab. C'est une compilation qui se sert d'échantillonnage de radio de numéros qu'on pourrait traduire en français. Donc, comme je vous disais avant de faire passer la pièce, c'est des radios à ondes courtes qui émettent des successions de chiffres, genre c'est des trucs codés. Donc c'est vraiment hypnotisant comme genre d'enregistrement. Puis ben c'est ça, le Netlabel s'est servi de ces enregistrements-là pour faire la compilation. Une compilation assez mystérieuse. Nous, on va faire une courte pause, puis on revient tout de suite avec Web Musique. Mais pour l'imaginer, la meilleure façon, c'est de commencer par avoir les bonnes informations. Alors écoutez donc le grain de sable qui sont d'Attaque Québec, sur CHL 89. Tous les mardis, 22h. Le 29 janvier, Change de disque célèbre sa 500e émission. 500 émissions. Le temps passe vite, hein? Pour l'occasion, Change de disque sort des studios de CKRL. Dès 16h, je vous attends au sacrilège avec invité surprise en prestation et prix de présence. À compter du lundi 18 janvier, inscrivez-vous sur ckrl.qc.ca. À chaque jour de la semaine, écoutez Change de disque pour connaître le gagnant du jour. Lors de la 500e, un grand prix sera attribué parmi tous les finalistes. Restez à l'écoute de CKRL 89.1 pour connaître tous les détails. La 500e de Change de disque. Une présentation du Sacrilège et du Capitole. De retour à Web Musique, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Donc, on va entendre des pièces vraiment, vraiment excellentes. On va débuter avec Ventolin and Bicotid. Je vous fais entendre la pièce Infrictor Steady Shelled. Puis ensuite de tout ça, c'est un artiste du nom de Noid Boy, la pièce Ghost. Donc, Ventolin et Bicotid qui sont sur le netlabel japonais Bombfoot. Un netlabel qui est vraiment productif. Je crois que c'est le 106e album sur le netlabel. Puis ensuite de ça, Not Boy, c'est sur Up It Up Records, un netlabel complètement déjanté. Je vous invite à aller voir de leur côté. Ils sont vraiment tordants, des albums vraiment ultra originaux. Donc, c'est ça. On débute tout de suite avec Ventolin and Bicotid, la pièce Infrictor Steady Shelled. Thank you. donc un drôle de type qui vient de la ville de Rome en Italie. Il s'agit de Not Boy. Je vous ai fait entendre sa pièce Ghost. C'était sur le netlabel Up It Up Records, un netlabel qui est italien, puis un netlabel qui est complètement débile. Allez les voir, ça vaut vraiment la peine. Avant ça, sur le netlabel Bumfoot, c'était l'Irlandais Ventolin and Becotide. C'était la pièce Infrictor Steady Shelled, donc une pièce vraiment intéressante. Puis, pour poursuivre Web Music, on va entendre un trio qui s'appelle, Gunman Who. C'est sur le netlabel Black Lantern Music, un netlabel qui est vraiment spécialisé dans le hip-hop, mais hip-hop expérimental. Ils ont des trucs qui sortent vraiment de l'ordinaire. Donc, Gunman Who, je vous fais entendre deux pièces. La première s'appelle Gunniverve. Et la seconde s'appelle Big Whoop. C'est deux pièces qui se retrouvent sur leur album Big Whoop. Donc, c'est ça le trio qui vient du Royaume-Uni, Gunman Who, à l'émission Web Music. On écoute ça tout de suite. Swinging on the track, ball to wall, bounce back, walk tall for a short gap. You're called to doubt that the rap can be generated by underrated generals from a little flat, a little house, a little place, a little scene. Most fell for the little-minded view that hip-hop was created by Mr. Mean. I guess it all fell through like you walking on a brittle beam. Dream of a better place, squeezing as much as we can out this little space. It's up for debate, is the energy we create received from a higher level? Ja, all the work of the devil. Ah, the 4G's, keeper of the secret. Mental boost from ginseng roots. Never be slow like Norris. Breakfast this morning was the eyes of the forest. Acknowledge the architects, the innovators. This is art from the heart of the creator. A classic banger, my graphic grammar takes you up and down like snakes and ladders. No laughing matter, I met a matter rapping. It had to happen, all out, all action. Satisfaction has to be a guarantee. Dope beat, dope vibes, dope delivery. Signed, sealed, delivered, first class guarantee. Built to last, lifetime warranty. Earn this skill, you ain't taking it off of me. And claiming it's yours like stolen property. Pebble in your shoe, man, walk flippity floppity. Your last year's news like that chunky Pete Doherty. Got no balls, like losing on the lottery. Listen here, we bang a lot, Guinevere's a Camelot. Revere the real hip-hop, revolve it like Ocelot. Organically evolved crop, propagated properly. Thus, cultivated lovingly. Set your stopwatch, forget your hot rocks. The hot batch is just hatched, you can't match, it's must-have. Under your nose like a mustache. Tough task to beat this, you wanna join, we'll just ask. Mustache, if you're not fast, you're last. Now I feast on the false and the half-assed. Their flags fly half-mast after they harassed. Heavy-hearted glass, we rhyme, why whine about class. My mind splashes, paint flicks and flashing images that outlast them, unparalleled and unsurpassed. An hour well spent, eyes closed, hands clasped. Ah, yeah, boy, seriously, I don't know what this beat is doing to me, but I feel like I want to shed my pill, expose my fruit, au naturel, not from concentrate. Hey, hey, can you relate? More warmth than the record label. I lay my cards on the table, never thought I was able. Then I bolted, can't shut the door when the horse is ready out the stable. Everything I spit is truth, no fable. Myth and magic, spliff and tragic. Situations are explanations for the trend of explosive mind creations. Built on spit and polish, able to abolish. Welcome young scholar, I'm the dean of the college. You want the knowledge, it comes from being streetwise. The grand prize, you'll settle down one day with the girl with the sweet eyes. You hear me? I want you to fear me. Just don't get in my face or ever come near me. Steer me away from the bad habits. Multiplying like rabbits and headlights. Everything's hindsight. Should've done this, should've done that. Coulda, shoulda. You actually gonna start a health plan with a beer and a donna? I'm not fond of ya, I fucking love ya. Why don't you love me? Strap me up, glove me. Not the stuffing out of dust. Comfy doesn't comfort me. freeze. Drug buzzing is behind me. Pull the plug and any mod bugging me. We don't shoot slugs, we make them salty. And stick licks in your lugs, lyrically. Listen, look and see, free is what you're born to be. So either be or be another living wrongly. Thinking that you're going about normally. Having doubts, while our sound mood swings, yours comes to shouts to the dope smoking, blow shrieking, job seeking, doll scrounging, bedroom lounging. You see where I'm going, the no fuck all knowing. At one sound, last showing, representing blighty. What you shot that don't speak like Roy E.K., I'll ask you politely. Why is it I used to score more than righty in the early 90s? Now it's awfully dry out there, I swear man, the girls debate. How they feel this way? Anyway, it's me who's in fault, and it's all your fault, you're to blame. Shame it was me that caused it. Juggernaut, what the fuck, fucking failure. They turned up knocking on the door like Jehovah. Now they laying on the floor, sore jaw. Glory story, no guts, no glory. Sticking with the sick and poorly, surely there's an antidote. Nope. And you can quote me on that. No riddle in the middle of the medicine. Musically administering a large helping. Sizer than size, weight and no way. High and dry, I and I getting bye-bye. Never fleeing, seeing signs and sticking to the season. Hunting for goodwill and reason after reason. To be cheerful, leaving the tearful times. To remind you that life is possible. Mood indigo, to color purple. Mellow, fellow, blue, yellow. Joy, painful, good and bad mix. They're the same too. I found that they're the same one. Because of sound, I found someone. I found someone because of sound. I found someone. I found someone. Believe, I should see she's something else. The way the cookie crumbles, but I see she melts. Like good hash in the hands. Infinite element of fire versus flash in the pants. Energy forever flowing where passion demands. My mind scans for fine plans. Mic stands, my life and cash in the hand. Tight jams, captivating. You out if you don't settle in. Tomorrow's a recycling bin. And I've got a feeling waking up on the landfill. It's gonna put your day at a standstill. Chill, or you'll feel the wrath of the wharf. I heard it's chilly up north, yeah? Well, it's about to get a lot colder down south. If you don't shut your mouth, seriously, this is game over. But we'll be back, we just out back in a Land Rover. Four-wheel drive, priorities are still. Hearing a clearing, seeing with a clear heart. And they're a new start, never dying. Bridge a gap, bringing in the ending. Accepting the ending is really a new beginning. In the same way rain falls from the sky, evaporates, drying, it's recycling. So even in this beat that you're rocking is about to start stopping, it's still kicking, continuing. Big whoop. Big whoop. Big whoop. Why don't you go home? You're starting to really wind me up. Big whoop. C'était Gunman Who, la pièce Big Hoop. Avant ça, c'était Guinevere. Ces deux pièces qui se retrouvent sur l'album Big Hoop, donc du, comme je vous disais, du groupe Gunman Who. C'est sur le netlabel Black Lantern Music, un netlabel qui est spécialisé dans le hip-hop assez expérimental. Ils ont des albums, je pense qu'il y en a peut-être deux, trois, puis ils ont des petits genres de mix qui durent quand même assez longtemps. C'est des mix d'environ une heure et demie à peu près. Ça vaut vraiment la peine de télécharger ça. Donc, pour poursuivre Web Music, je vais vous faire découvrir un artiste australien qui demeure maintenant au Japon. C'est un artiste qui est dans l'audio. C'est aussi un journaliste, photographe, donc une personne vraiment complète. Du nom de Little Nobody. C'est sur le netlabel Dead Channel. Je vous fais entendre la pièce de Jazz Ringer. Je vous ai aussi mis une vidéo de cette pièce-là sur le site de Web Music. Je vous invite à aller voir ça. Donc, on écoute tout de suite Little Nobody, la pièce de Jazz Ringer. This is what I do.